Une cavalcade, ça vaut bien la peine, ça vaut bien la peine. Allez, on est parti avec une valse. Marchons, marchons. Et en marchant, nous allons bien tout simplement faire Allez, on va dire ça de la gymnastique. C'est comme au bal, je vous l'avais dit. Vous avez bien mérité une chanson italienne avec Alain Morisot et les Sweet People. Une chanson sous un ciel de vacances, c'est ainsi que notre histoire commence. Une guitare dans la nuit, le grand amour a suivi, c'était la première fois, rappelle-toi. On va appeler ça une journée endiablée. Eh oui, une journée endiablée avec Damien Poyard et Manu Blanchet. Et allez, c'est parti, mon kiki! Thank you. par la Corrèze, prends le chemin du bonheur. Tu longeras les prières, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle a donné le jour à une étoile célèbre, l'étoile des troubadours. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des bruyères, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre, tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile. Dans le boucher charcutier, j'ai mes pieds qui s'élancent, mes bras qui se balancent. Il me dit qui que c'est que je vous sers. J'ai des saucisses pas chères, une promo sur le genre, des pipris sur le poulet. Moi je danse tango tango solo, moi je danse tango tango solo, moi je danse tango tango solo, moi je danse tango tango solo. Hey. Dit Manu, eh oui, on est parti pour le Paso Doble. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Hey. parti pour le cha-cha-cha. Et après le cha-cha-cha, eh bien, nous aurons droit... Allez, on va appeler ça une valse lente. Ça peut être aussi une java. C'est comme vous le voulez, c'est comme vous le sentez. On est dans un pas de danse et c'est l'essentiel. Voilà. J'espère que vous n'avez pas oublié, hein, parce que là, avec ce twist-là que vous allez danser, j'en suis sûr, j'espère que vous n'aurez pas trop mal au dos à la fin. Allez, on est parti. Je sais, j'ai pas pitié de vous, hein. Non, non, je n'ai pas pitié de vous, puisqu'on repart avec une polka, mais là, c'est tout à fait différent, bien évidemment. Thank you. Allez, là, c'est un peu moins contraignant. Oui, ce n'est que le pas du cha-cha-cha. C'est pas tellement, tellement fatigant, hein. La Java, quand tu nous tiens la Java. Attention, les mains, je le répète, les mains là où il faut. Allez, on termine cette première partie de Dimanche Musette avec Jérôme Robert. Adios, Dolores. Et puis, Chiquita. Et après cette première partie, eh bien, on verra. On verra ce qu'on va faire parce qu'il n'y a rien de prêt. L'amour, tu sais, n'y est pour rien. suis petite, je sais trop bien. La blessure d'un premier chagrin fait mal très longtemps. Mais tout passe avec le temps, et le temps dépasse et remet l'amour à sa place. Chiquitita, je suis comme toi. Le premier bal qui s'en va fait mal très longtemps. Mais tu vas chanter encore et chanter plus fort. Chanter pour toi, Chiquitita. Mais tu vas chanter encore et chanter plus fort. Chanter pour toi, Chiquitita. Bon, voyons voir si vous connaissez vos classiques. Là-bas, là-haut, dans le vent des alpages, de ma vallée, c'est le berceau. Un torrent clair au pays des nuages. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Et puis la suite, et puis la suite. Vous la découvrirez en écoutant Hubert Ledent dans son interprétation. Et cette interprétation, elle est pour tous les amis, voire même au-delà, des anciens lapidaires de Chézry, notamment pour une certaine dame qui se reconnaîtra. Voilà, voilà, voilà. C'est la deuxième partie de cette émission avec la chanson française. Là-bas, là-haut, dans le vent des alpages de ma vallée, c'est le berceau. Un torrent clair au pays des nuages jaillit du ciel. Là-bas, là-haut, valse, valse, ma valserine, j'écoute ton père gazouillis. Autour d'elle, sol et clarine, c'est le chant de mon pays. Près des rochers où le chevreuil s'élance, où le chamois saute en plein ciel, entre les fleurs valserines tu danses, les fleurs d'été qui font le miel. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle, sol et clarine, c'est le chant de mon pays. Au mont Jura, l'étrange sortilège qui prend naissance au Val-Mijou. Si le vent frais vient du creux de la neige, le vent du soir nous rendra fous. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle, sonne et clarine, c'est le chant de mon pays. Ma vallée la plus verte du monde, ma valserine, au nom d'encens, c'est dans ton calme et ta douceur profonde que je voudrais vivre cent ans. J'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle, sonne et clarine, c'est le chant de mon pays. C'était en 1972. C'était les Crazy Horse. On les connaît, les Crazy Horse. Hein? Eh oui, un jour sans toi. Et Alain Delorme suivra en 1975, lui, avec Romantique avec toi. Je n'ai jamais su te dire les mots que tu attendais. Mais si tu devais partir, sache bien que j'en mourrais, mon âme.

si j'avais su que c'était la première fois que je te voyais pour la dernière fois, je me serais dépêché de t'aimer comme on court après la vie, car on n'aime jamais assez. Je t'aurais dit, je t'aime aussi. Les mots, faut pas qu'on les conserve, faut les distribuer à la ronde. Sinon les mots, à quoi elles servent? Va pas décorer les tombes. Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su le temps n'attend pas, oh, si j'avais su, si j'avais su. Mais souvent on ne sait pas qu'on voit quelqu'un pour la dernière fois. On l'entend plus beaucoup, hein, David Alexandre Winter. Non, on l'entend plus beaucoup, mais sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgi FM, de temps à autre, il fait son apparition. Là, c'est le cas avec Comme une mélodie d'été et Dans ses yeux-là. Yeah. femmes parfums d'amour que l'on découvre jour après jour. Pouvoir sentir à un instant une panoplie de sentiments. Aimer et découvrir celle qui me murmure au creux de l'oreille et sur un caprice du temps vouloir l'aimer intensément. Dans ces jeux-là on voit les rêves qu'on a perdus, complicité inattendue. Dans ces yeux-là, dans ces yeux-là, les crépuscules du Canada, un vieux livre d'autrefois. Dans ces yeux-là, ces yeux-là. Pouvoir l'aimer au jour le jour, lui procurer des preuves d'amour, partager des joies d'enfant. Consciemment mais constamment, plonger les yeux dans son regard et me sentir rempli d'espoir, l'accompagner main dans la main afin de mieux construire demain. Dans ces yeux-là colline, un vin qui sera millissime. Dans ces yeux-là, dans ces yeux-là, la chaleur d'une feuille de bois, la tendresse au bout des doigts. Dans ces c'est un spécial ce monsieur-là, ouais, c'est un spécial. Il a parfois des sorties un peu coussi, coussa. N'empêche que quand il cause, c'est pas pour rien dire. Il s'appelle Patrick Sébastien. La mère, et la mère M-A-I-R-E. Et la vie, c'est pan pan cucu. Patrick Sébastien. Thank you. 60 lits balais, toujours la patate, 60 lits balais, jamais à quatre pattes, 60 lits balais, toujours la passion, 60 lits balais, je suis toujours aussi con. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson, l'honneur de la France profonde, que j'ai au fond du cœur. C'est bon le livre à la campagne, loin de la merde, la merde, la merde de Paris. C'est bon le livre à la campagne, loin de la merde, la merde, la merde de Paris. Et puis aussi à la montagne, loin de la merde, la merde, la merde de Paris. Et puis aussi à la montagne, loin de la merde, la merde, la merde de Paris. Soixante lits balais, la tige bien droite, 60 lits balais, un appétit de pirate, 60 lits balais, et toujours l'insolence, dire ce qui me plaît en toutes circonstances. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi cette chanson pour les Parisiens qui en ont marre, qu'on les prenne pour des cons. C'est bon le vivre à la campagne, loin de la merde, la merde, la merde de Paris. C'est bon le vivre à la campagne. Je sais, faut vivre avec son temps, mais qu'est-ce que j'ai aimé le Paris d'avant. Le Paris libre, le Paris joyeux, où il faisait bon vivre, le Paris heureux. Sans les travaux partout, sans les bouchons partout, les interdits partout, sans les rats, sans les fous. Le Paris libre, le Paris joyeux, où il faisait bon vivre, le Paris heureux. Sans les travaux partout, sans les bouchons partout, les interdits partout, sans les rats, sans les fous. Alors on se casse à la campagne, alors on se casse à la montagne. C'est bon de vivre à la campagne, loin de la merde, la merde, la merde de Paris. C'est bon de vivre à la campagne, loin de la merde, la merde, la merde de Paris. Et puis aussi à la montagne. De tendresse, la main de Dieu oublie souvent de lui faire des caresses. La terre c'est comme une mobilette, il lui faut du mélange. Mais si tu souffles dans ma trompette, je vais te peler l'orange. Pampan kiki, adada, pampan kiki, pampan kiki. Je vais faire pampan kiki à tous ceux qui nous disent demain on rase gratis, mais qui ont la main mise sur le loup sur la cuisse. Pampan kiki. Akata papan kiki, papan kiki. On leur fait papan kiki à tous ceux qui nous vendent des housses pour cathédrale, aux guignols, aux guirlandes, aux gonfleurs d'amidales. L'amour est un ballon qui se dégonfle avec le temps, et pour qu'il rebondisse il faut parfois souffler dedans. Si tu vois que ta nana passe pour un Rambo de quartier, sur tes genoux faut que tu la coinces et fais ça la fessée. Pampan kiki, adada, pampan kiki, pampan kiki. Il faut faire scène pour qui la lune, ça ne sert qu'à s'asseoir. La vie c'est du chewing-gum que tu balades entre tes dents. Rien que du baba au rhum, une couche culotte pour éléphant. Enlève tes lunettes noires, tu verras beaucoup mieux. Y'a pas besoin d'être une star pour faire à qui tu veux. Pan pan cucu, la tata pan pan cucu, pan pan cucu. Un super pan cucu. À tous ceux qui se prennent pour des Napoléon, des toreros d'arène, des farces ou des dindons. Pan pan cucu, la tata pan pan cucu, pan pan cucu. Viens faire un pan pan cucu. À tous ceux qui nous font la soupe à la grimace, à tous ceux qui ont les pieds à côté de leur godasse. Pan pan cucu, la vie c'est pan pan cucu. Pan pan cucu, l'amour c'est pan pan cucu. Pan pan cucu, la chose c'est pan pan cucu. Pan pan cucu, les gens c'est pan pan cucu. Pan pan cucu, moi-même si pan pan cucu. Pan pan cucu, les filles c'est pan pan cucu. Là, vous allez écouter deux chansons qui sont dédiées aux mamies. Elles sont pour vous, les mamies, ces deux chansons. Une toute première avec les petits-enfants qui chantent pour mamie, et puis une autre, Mamie, si tu savais. Chez toi. Ces belles années, celles qu'on a partagées. T'es comme un printemps ne change pas. Et c'est pourquoi, pourquoi on t'aime comme ça. Et c'est pourquoi, pourquoi on t'aime comme ça. Souvent je prie la nuit pour que ton sourire ne quitte jamais la vie. Mamie, tu sais, souvent je pleure la nuit quand je pense aux blessures que ton cœur a subies. Mamie, je sais, tu saignes des douleurs et des plaies, comme si de rien n'était. Oh mamie, si tu savais. Oh mamie, à tout jamais. Oh mamie, moi je t'aimerais. Moi je t'aimerais à tout jamais. J'aimerais que le temps s'arrête, que le présent soit le passé, pour que chacun de nos moments ne se finisse jamais. Mamie, elle rêve d'une vie que de rêve, où toutes les relations finissent par je t'aime. Oh mamie, si tu savais. Oh mamie, à tout jamais. Oh mamie, moi je t'aimerais. Moi je t'aimerais à tout jamais. Je savais tout le mal que la nuit je me fais en repensant au moment de fête. Herbert Léonard. Pour terminer cette deuxième partie de l'émission Dimanche Musette et Dimanche Variété, avec Quelque chose tient mon cœur. Herbert Léonard, Aimer et quelque chose tient au cœur. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour la rediffusion de cette émission, et bien tout simplement mardi prochain, 10h, 12h. Je vous aime. Je vous embrasse. Bye bye. Juste quelques fleurs, un soir en passant, juste une lueur d'un regard volé d'un sentiment. Juste dans le cœur, quelque chose de grand, en apesanteur, c'est la nuit qui unit les amants. Aimer plus que tout, bien plus que sa vie, à en devenir fou, pour que l'on ait réussi. À aimer, à chaque seconde intensément, aimer. Tout et pas tous les temps. Aimer pour le meilleur et le pire. Aimer pour tout ce qu'il y a à offrir. Aimer. Aimer. faut juste dire les mots sans aucun détour. Ce qui rend de beau, que l'on peut graver à contre-jour. Juste quelques pas, juste quelques pas vers notre rive. Étendre les bras pour toucher un cœur à la dérive. Aimer tellement fort, pas en perdre la vie. Se donner encore, pourvu que l'on ait réussi à aimer à chaque seconde intensément. Aimer malgré tout et par tous les temps. Chaque seconde intensément. Aimer malgré tout et par tous les temps. Aimer pour le meilleur et le pire. Aimer pour tout ce qu'il y a à offrir. Pourquoi mon cœur veut toujours chanter?